Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 42. De l'objet de la crainte. On craint directement le mal physique, et indirectement le mal moral. On craint surtout les maux extraordinaires et soudains, ainsi que les maux sans remède. 1. Est-ce le mal ou est-ce le bien qui est l'objet de la crainte? La crainte implique la fuite, or, tout mouvement de ce genre a le mal pour cause. La crainte a pour objet le mal futur, elle a cependant aussi pour objet le bien, et de deux manières, car, premièrement, on craint de perdre le bien qu'on aime, et une chose est réputée un mal du moment qu'elle l'enlève. En second lieu, on craint le bien qui peut, par sa vertu, porter préjudice à ce que l'on aime. C'est ainsi que l'on craint Dieu, un homme puissant, et généralement toute espèce de supériorité. Note. La crainte, on le voit, peut concerner deux objets, le mal, qu'elle fuit, et le bien, qui peut nuire par sa vertu propre. Fin de la note. 2. Le mal de la nature est-il un objet de crainte? Le plus terrible de tous les maux, dit très bien le philosophe, c'est la mort, qui est un mal naturel. La crainte, en effet, comme il l'explique lui-même, est produite par l'idée d'un mal futur, destructif ou contristant. Il est évident que le mal destructif, qui contrarie la nature comme le mal contristant contrarie la volonté, est pour nous un objet de crainte. Or, c'est là précisément le mal naturel, ou mal de la nature. Il provient quelquefois d'une cause naturelle, et alors il est appelé mal de la nature à un double titre, et parce qu'il attaque la nature, et parce qu'il en est l'effet, ainsi, la mort naturelle et les autres maux semblables. D'autres fois, il résulte d'une cause non naturelle, par exemple, lorsque quelqu'un reçoit violemment la mort de la main d'un persécuteur. Toutefois, il peut tour à tour être ou n'être pas un objet de crainte, car, la crainte venant de ce que l'on regarde un mal comme futur, ce qui écarte une telle idée écarte aussi la crainte. Or, deux choses peuvent empêcher de regarder un mal comme futur. D'abord, l'éloignement. Un malheur nous apparaît-il dans un avenir lointain, nous nous imaginons qu'il n'arrivera pas, et nous ne le craignons point ou nous le craignons peu. Les hommes savent qu'ils mourront, mais, leur mort n'étant pas prochaine, ils n'en ont point de souci. Ensuite la nécessité. Est-on forcé de regarder un mal comme présent et non plus comme futur? La crainte, qui suppose toujours quelque espoir de salut, fait place à un autre sentiment. Le supplicié que l'on va décapiter immédiatement ne l'éprouve plus. Note. On s'afflige des maux présents, on craint les maux futurs que l'on a quelque espoir d'éviter. Fin de la note. 3. Le mal moral est-il l'objet de la crainte? La crainte se rapporte à un mal futur qu'on ne peut éviter sans de grands efforts. Le mal moral, ou mal du péché, qui a sa cause dans la volonté de l'homme, n'en est pas, absolument parlant, l'objet. Mais, comme la volonté peut être inclinée au mal par certaines causes externes, on peut craindre le péché, en tant que les choses extérieures exercent une grande influence sur l'âme, ainsi l'homme de bien craint la société des méchants. 4. Peut-on craindre la crainte même? La crainte dépend tout à la fois d'une cause étrangère et de notre volonté. Sous le premier rapport, on peut craindre la crainte, c'est-à-dire, on peut craindre d'être réduit à redouter un mal supérieur à ses propres forces. Quant à la crainte qui dépend de la volonté, on ne la craint pas. 5. Les choses soudaines sont-elles un plus grand objet de crainte que les autres? Oui, et en voici la raison. Deux causes concourent à augmenter la crainte, la grandeur du mal et la faiblesse de l'homme. Or, d'un côté, l'apparition soudaine du mal le fait paraître plus grand qu'il n'est en réalité. De l'autre, l'imprévu ajoute à la faiblesse humaine en ôtant à l'homme le temps de la réflexion. 6. Les maux irrémédiables sont-ils un plus grand objet de crainte que les autres? La crainte est augmentée non seulement par la grandeur du mal, mais encore par sa durée. Si c'est un mal d'éprouver une peine pendant un temps donné, c'est un double mal que de la souffrir un temps moitié plus long. La souffrir un temps indéfini ou perpétuel augmente le mal indéfiniment. Pour cette raison, les maux irrémédiables ou très difficiles à guérir, qui sont en quelque sorte des maux perpétuels ou très durables, sont plus à craindre que les autres. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.